Al vostre costat, una setmana més, Olala Música, amb Rafael Corbí. Avui iniciem el nostre espai tot escoltant aquest tema de Michel Berger, aquest compositor, productor, arrangista, pianista i cantant, nascut el 1947 i que ens va deixar massa jove el 1992. La bona música es diu. Salutacions de Rafael Corbí. Som-hi, doncs, amb aquest programa de 60 minuts de música en francès. Chacun notre tour. La bonne musique. Okay, les boys, là, t'as 7 ans. 3h moins quart, last call! Encore 3h moins quart. Assis au bout du bar. Tout le monde vient de partir. La serveuse n'a plus de sourire. L'orchestre ne joue même plus. L'homme de ménage vient d'arriver. Mais ça fait rien, je suis pas pressé. Y'a pas personne pour m'arrêter. Mais donne-moi donc à boire. Donne-moi quelque chose que je reste ici à soir. Où j'irai, je sais pas très bien. Je veux rien que boire pour oublier. Mais donne-moi donc à boire. Donne-moi quelque chose que je reste ici à soir. Où j'irai, je sais pas très bien. Je veux rien que boire pour oublier. Mes verres sont tous remplis. Impossible de me les enlever. Sinon je pourrais me fâcher. Car ma blonde vient de me lâcher. Je veux rien savoir, moi je veux me saouler. Demain c'est une autre journée. À soir moi je veux fêter. Y'a pas personne pour m'arrêter. Mais donne-moi donc à boire. Donne-moi quelque chose que je reste ici à soir. Où j'irai, je sais pas très bien. Je veux rien que boire pour oublier. Mais donne-moi donc à boire. Donne-moi quelque chose que je reste ici à soir. Où j'irai, je sais pas très bien. Je veux rien que boire pour oublier. Mais donne-moi donc à boire. Donne-moi quelque chose que je reste ici à soir. Où j'irai, je sais pas très bien. Je veux rien que boire pour oublier. Mais donne-moi donc à boire. Donne-moi quelque chose que je reste ici à soir. Où j'irai, je sais pas très bien. Je veux rien que boire pour oublier. Hey garçon, amène de quoi à boire ici. On n'a pas fini, on sort juste à 3 heures. Let's go, ah ouais. Amène la traite, amène la traite. Amène la traite, c'est le temps avant que ça finisse. La même chose, la même chose. Així hem escoltat la música que ens aportava també un brillant intèrpret de música americana com Rolando, des del Quebec, amb Last Call, de Nouveau Bois, és el títol d'aquesta cançó. Seguirem repassant avui amb aquest programa música diversa, de totes les generacions i de diferents estils i subestils de la música, cantada en francès, gent com Charles Aznavour, René de Brussil, en Leo Ferri o en Johnny Hallyday ens acompanyaran amb els propers minuts. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller.

ferait l'amour, madame qui passait, madame si tu voulais on irait à l'hôtel, j'en connais un là-bas, dans le quartier des chiens où l'on ne fait que passer, où l'on ne fait que passer. Faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour. L'amour c'est un passant, toujours dans la misère, à scruter les étoiles, à scruter qui sait quoi, à se prendre pour qui, je vous demande un peu, à chercher la lumière dans des yeux malheureux. Faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour. Moi je te chercherai la moelle et la fortune en te déslipant bien avant que tu ne sombres sur un lit de hasard. J'en connais un là-bas dans le quartier des chiens où l'on ne fait que passer. Faites l'amour, faites l'amour, faites. Ferez l'amour, madame qui passait, arrêtez-vous un peu et prends-moi dans tes bras, donne-moi ta salive, donne-moi ton chiffon, que j'y regarde un peu, ton étoile gravée comme le Christ de Véronique. Faites l'amour, faites l'amour, faites l'amour, faites. Je vous ferai l'amour, madame qui passait, madame si tu voulais, on irait à l'hôtel, j'en connais un là-bas, dans le quartier des chiens, où l'on ne fait que passer, où l'on ne fait que passer. Faites l'amour. On ne fait que passer, où l'on ne fait que passer, où l'on ne fait que passer, où l'on ne fait que passer, où l'on ne fait que passer. Fent l'amor, en Leo Ferrer, un dels més grans artistes també de tots els temps i que avui ens acompanyava amb el nostre programa, un programa especial que enregistrem amb música diversa i amb gent que ens acompanya com aquest gran artista del món del rock and roll francès, el rock més famós d'aquell país. És en Johnny Hallyday, amb una cançó que ja havíem escoltat diverses vegades també a l'obertura del nostre programa, perquè avui volem recordar. Era aquesta música que jo estimo. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça

dans un mois, dans un an. Comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Si j'étais Titus, si t'étais Bérénice, on sentirait un peu plus la passion destructrice. Peut-être. Toi, empereur de Rome, moi, reine de Palestine, on se ferait de la peine en Alexandrin sublime. Nous ne disposons pas des beautés du théâtre, du souffle de la scène 5, de l'acte 4. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Titus, Bérénice, nous sommes jaloux. Mesurez votre chance, vous auriez pu comme nous. Exprimez vos tourments dans une langue à tout faire. Comme le font les amants de sang et de chair. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. J'ai eu un micro-sommeil. La música que ens aporta Bruno Nicolini. Lo de Benabar ve d'invertir, de canviar l'ordre de les síl·labes del seu altre nom, Bernabé. Aquest intèrpret ens aportava en versió acústica aquest títol, Set Vernis, la cançó que ens acompanyava. Qui seran els propers protagonistes del nostre espai? Doncs en Patrick Fiori, en George Bassens, la Chloé, amb una versió francesa que ja havíem escoltat temps enrere del Despacito, i també en Robert Charlevoix. Tots ells protagonistes avui amb aquesta edició especial d'Hola la Música. Descendre les cimes, s'évader sur une île des idées d'abîme. Dans le fond de mon lit, rêver sans finir. Pas même une trêve, vivre sans le pire. S'oublier dans les rêves. Et si c'était ça la vie idéale, ne plus jamais vivre, ne plus avoir mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes. Et si c'était ça. Courir dans les airs, avaler chaque seconde, plonger dans la mer. Qu'à la fin du monde, rire dans un éclat. Mais caresser la nuit, fredonner la la la la la. Jeter dans les oublis. Et si c'était ça la vie idéale, ne plus en aiguire, ne plus avoir mal. Et si c'était ça, pur comme du cristal, des cascades de plaisir, des sourires sans tes larmes. Et si c'était ça la vie idéale. On s'en va, sous le soleil on trouvera un idéal, notre idéal. Et tes larmes. Et si c'était ça la vie idéale, dites-moi où, dans quel pays, est Flora, la belle romaine, Archipia d'Anétaï, qui fut sa cousine germaine, et qu'au parlant cambrouillon mène, de sur rivière ou sur étang, qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Qui beauté eut trop plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Où est la très sage Héloïse, pour qui châtre et fut et puis moine, Pierres Bayard à Saint-Denis, pour son amour eut cet Essoine. Semblablement, où est la reine qui commanda que Buridan fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? Fut jeté en un sac en Seine, mais où sont les neiges d'antan? La reine blanche comme lys, qui chantait à voix de sirène, Berthe au grand pied, Biétrice Alice, à Rambourgis qui tint le Maine, et Jeanne la bonne Lorraine, qu'anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Où sont-ils, vierges souveraines? Mais où sont les neiges d'antan? Prince Nanquéré de semaine, où elles sont nées de 7 ans, que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Que ce refrain ne vous remène, mais où sont les neiges d'antan? Je te regarde depuis un moment. J'aimerais danser avec toi aujourd'hui. J'ai vu combien tes yeux de loin m'appelaient. Montre-moi le chemin, je te suis. Tu es comme un aimant et moi le métal. Je prendrai soin de toi sans te faire de mal. Rien que d'y penser, je sens mon cœur qui bat. Tu sais que je ne suis pas dans un état normal. Quand tes bras s'approchent, mon cœur, mes sens s'emballent. Je ne veux désormais plus me passer de toi. Tout doucement, je veux respirer dans ton cou tout doucement. Dire des mots doux à l'oreille tout doucement. Et qu'on se rappelle ensemble de chaque moment. Tout doucement, je veux t'embrasser, t'enlacer tout doucement. Cœur dans ta vie tout doucement. Et qu'on avance ensemble doucement mais sûrement. Je veux te voir danser près de moi, suivre ton rythme. Et que tu montres à mes lèvres tout ce qu'elles ne connaissent pas. Dis-moi où aller, je te suis jusqu'aux limites. Laisse-moi prendre mes marques, je sais qu'on se trouvera. Embrasse-moi sans attendre, je sais que tu y penses. Je prendrai le temps pour toi, je veux qu'on s'en danse. Et je te promets que pour moi ton cœur n'est pas banal. Laisse-moi te montrer que pour moi ton cœur n'est pas banal. Goûter à ma bouche et dis-moi ce que ça te fait. Oui, je sais que tu doutes ce qu'on est, où on irait. Mais je veux prendre le temps avec toi faire le voyage. Peu importe le temps, oui, avec toi faire le voyage. Pas à pas, pas à pas, tu t'approches de moi. Doucement, doucement, tu m'embrasses, je suis tes pas. Je veux qu'on s'en lâche jamais, qu'on se lasse. Tu sais qu'on ira loin, peu importe les obstacles. Pas à pas, pas à pas, je m'approche de toi. Doucement, doucement, j'irai là où tu vas. Ta beauté me rend folle et tes yeux me rendent ivre. Que je m'affole quand tes mains se glissent. Tout doucement, je veux respirer dans ton cou tout doucement. Te dire des mots doux à l'oreille tout doucement. Et qu'on se rappelle ensemble de chaque moment. Tout tout doucement. Je veux t'embrasser dans la cité tout doucement. M'inscrire dans ton cœur, dans ta vie tout doucement. Et qu'on avance ensemble doucement, mais sûrement. Je veux te voir danser près de moi, suivre ton rythme. Et que tu montres à mes lèvres tout ce qu'elles ne connaissent pas. Je nous vois nous balader à Puerto Rico. Les vagues résonneront dans ma tête comme tes mots. Et le soleil réchauffera doucement nos dos. Tout doucement. Je veux respirer dans ton cou tout doucement. Te dire des mots doux à l'oreille tout doucement. Et qu'on se rappelle ensemble chaque moment. Tout doucement. Je veux respirer dans ton cou tout doucement. Te dire des mots doux à l'oreille tout doucement. Et qu'on se rappelle ensemble chaque moment. Tout doucement. Saké Minto, caramel à un front. Et les Mistral gagnants. Hola la musique, amb Rafael Corbí. Je suis un gars ben ordinaire. Des fois, j'ai plus le goût de rien faire. Je fumerais du pot, je boirais de la bière. Je ferais de la musique avec le gros Pierre. Mais faut que je pense à ma carrière. Je suis un chanteur populaire. Vous voulez que je sois un dieu? Si vous saviez comme je me sens vieux, je peux plus dormir, je suis trop nerveux. Quand je chante, ça va un peu mieux. Mais ce métier-là, c'est dangereux. Plus on en donne, plus le monde en veut. Quand je serai fini et dans la rue, mon gros public, je l'aurai. J'aime mon public. Tout ce que je veux, c'est que ça clique. Je me fous pas mal des critiques. Ce sont des ratés sympathiques. Je suis pas un clown psychédélique. Thank you. avant de mourir et qu'on m'enterre, voir de quoi le reste du monde a l'air. Autour de moi, il y a la guerre, la peur, la faim et la misère. Je voudrais qu'on soit tous des frères. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Je suis pas un chanteur populaire, je suis rien qu'un gars bien ordinaire. C'est qui t'aime comme un caniche, moi, moi. Qui te fait des douze yeux de biche, moi, moi. Qui c'est qui trime, qui fait le ménage, et quand tu lis, te tourne les pages. Qui c'est qui te fait les mains, qui c'est qui te prépare ton bain. Qui fait sauter les crêpes Suzette, moi, moi. Qui fait Paris à bicyclette, moi, moi. Qui fait la queue pour les emplettes, qui c'est qui passe payer tes dettes, moi. Moi, moi. Qui répond au téléphone, moi, moi. Qui sait bien jouer du gramophone, moi, moi. Qui t'épluche tous les légumes, qui te frictionne quand tu t'enrhumes, qui te fait de bons jeux de mots, qui lit l'almanach Vermeaux. Qui c'est qui ranime le chauffage, moi, moi. Qui c'est qui se tape le jardinage, moi, moi. Qui reprise toutes les chaussettes, qui ne casse jamais d'assiette, moi, moi, moi. Qui prend ta température, moi, moi. Qui choisit ta littérature, moi, moi. Qui c'est qui bosse pendant la semaine, même le dimanche quand tu te promènes. Qui passe l'aspirateur, qui te mouche quand tu pleures. Qui choisit tes pâtes dentifrices, moi, moi. Qui te passe tous tes caprices, moi, moi. Qui te console quand t'as pas de veine, quand tes amants te font de la peine, moi, moi, moi. T'auras beau faire, t'auras beau dire, toi, toi. T'auras beau me fuir, t'auras beau rire, toi, toi. Tu ne trouveras jamais personne qui te cajole, qui te pardonne, qui chanterait dans les cours pour conserver ton amour. T'auras beau faire le tour de la terre, toi, toi. Épouser tous les milliardaires, toi, toi. Tu t'ennuieras de ton caniche qui te faisait des yeux de biche, toi, toi, toi, toi. Tu reviendras dormir sous mon toit, toi. Esteu escoltant. La música canvia, la música continua i nosaltres contents d'estar al vostre costat. Sí senyor, això era la música d'en Jean Bretonnier que ens acompanyava amb aquesta cançó Moi, Moi, antologia de la cançó francesa de l'any 1952. D'això fa una mica, veritat. Ha plogut molt, com també ha plogut d'ençà del naixement de Jean-Claude Pascal el 1927, un parisenc que va néixer amb el nom de Billy Minot. Va morir el 1992. L'escoltarem amb una cançó del 1963, que ara no hi érem, alguns de nosaltres. L.T. Sijolí. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'amenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait:

soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Fantàstica, veritat, com sempre. Una de les millors intèrprets que hem conegut, la France Gall, ens acompanyava amb aquesta cançó, una altra parisenca, en aquest cas nascut el 1947, la Isabel, també, com es deia, la Zazie, totes dues compartien nom i cap de les dues el va utilitzar de manera professional. Són coses que tenen els artistes. France Gall, amb aquesta extraordinària cançó que era tan recordada per part de moltíssima gent. Duo, doncs sí, un duo, de Patricia Cass i Jacques Dutronc, amb aquesta cançó que escoltarem a continuació, ja amb els darrers instants, per acomiadar el nostre programa d'aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició, avui més eclèctica, d'Hola la Música. Je suis née du bon côté des choses. Longtemps je suis restée la petite fille en rose. Moi aussi un jour je suis partie, parce que j'avais envie de vivre ma vie. Quand on s'appelle Cristal, on croit en son étoile. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond, qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu ne crois. Moi j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. Qu'on vienne d'en haut, qu'on vienne d'en bas, au fond, qu'est-ce que ça change? Je suis venu au monde en criant au secours. Ça change. Qu'est-ce que ça change? Je te ressens bien plus que tu ne crois. Moi j'ai toujours rêvé de rencontrer un ange. Je suis venu au monde en criant au secours. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour.